Merci. Voilà, je vous propose de d'inverser les places. Et pendant que vous vous installez, on pourra discuter un jour des conditions dans lesquelles ce préambule a été rédigé. Mais on peut regretter que ce soit un préambule. C'est parce que c'est un préambule que la question des droits de l'homme a réussi à être intégrée pour un certain nombre de conditions. Donc, de fait, c'est déjà une avancée. Même si, donc, sans transition, je passe la parole à Claire Joachim pour tenter de faire l'exercice en 20 minutes, ce qui nous amènera à la fin de la session. On essaiera de négocier quelques minutes pour enlever le débat auprès des organisateurs. Je ne sais pas si ça sera possible. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je souhaiterais bien évidemment remercier les organisatrices de ce colloque pour leur très chaleureux accueil. Et je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, j'ai choisi de partir sur un constat qui est connu de tous. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous voyez rien du tout. Bon, tant pis, c'est dommage, mais c'est très intéressant. En fait, il s'agit de captures d'écran, de cartes qui sont disponibles sur Internet, sur les niveaux, on voit un petit peu mieux, sur la qualité de l'air. Il faut que je me tienne. Ça bouge plus. Merci. J'ai une assistance particulière. La qualité de l'air dans certaines régions du monde, et on voit bien que, alors j'ai fait un point surtout sur la Chine, le rouge c'est une très mauvaise qualité de l'air, et on le voit un petit peu moins. Alors au niveau des États-Unis et de l'Europe, on a beaucoup de capteurs, ce qui fait qu'on voit un petit peu moins, mais on a certaines problématiques qui peuvent se poser. Donc en tous les cas, j'ai choisi de partir d'un constat que l'on partage tous, qui est le suivant: les changements climatiques constituent un défi pour le droit, mais un défi aussi pour nous, juristes. Malgré l'inflation des textes internationaux, régionaux, nationaux, les rapports scientifiques les plus récents confirment l'ampleur des menaces globales qui pèsent sur l'environnement, et plus particulièrement sur le climat. Un des principaux défis, à mon sens, réside dans la coordination de ces différents ordres juridiques entre eux. Or, chaque droit s'inscrit dans un contexte politico-juridique qui est bien précis. Et là, je vous invite, on va tous mettre tout ensemble les lunettes du comparatiste pour envisager cette question de l'articulation des normes. Donc j'ai choisi d'analyser la place des particularités juridiques dans l'articulation des normes en matière de changement climatique. Et j'ai étudié pour cela la réception de certaines règles visant une atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai choisi trois acteurs principaux. Deux États et, on va dire, une région, ceux qui présentent la plus forte émission de CO2, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. L'objectif ici, c'est simplement de dégager les principaux traits de l'articulation des différents droits en présence au sein de chacun de ces ordres juridiques. Et je tiens à préciser que là, ici, je considère ces acteurs-là comme des ordres juridiques multiniveaux. C'est la raison pour laquelle ça nous permet de les comparer entre eux. Donc ici, chaque droit va être analysé en tant qu'ordre juridique multiniveau. Alors, j'ai organisé ma présentation en deux parties. Je pense que je n'aurai pas le temps pour la seconde partie. Alors, en première partie, j'ai choisi d'analyser les trois grandes spécificités qui peuvent ressortir dans chaque tradition juridique, dans chaque ordre juridique étudié, pour ensuite dresser le portrait de l'articulation des normes en tant que telle. Et c'est cette partie-là que je ferai à moitié, si on me permet. Alors, les spécificités de chaque tradition juridique. On a trois grandes spécificités qui vont avoir un impact sur l'articulation des normes. En premier lieu, il y a un rôle variable du droit pour régir la vie en société suivant ses ordres juridiques. Là, vous vous doutez bien, on a deux groupes, finalement. D'un d'un côté les droits occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis, et de l'autre on a ceux qui sont considérés comme les droits orientaux, et pour nous, pour cette intervention, la Chine. Alors, au regard du rôle donc du droit pour régir la vie en société, il est lié au fondement du pouvoir. Dans les droits occidentaux, en Europe et aux États-Unis, c'est la souveraineté populaire qui est consacrée comme fondement du pouvoir. Dans les droits orientaux, en Chine, on a une autre forme de légitimité qui est consacrée, et là, en l'occurrence, il s'agit de l'idéologie socialiste. Là, ça va fondamentalement modifier, déterminer le système juridique et sa perception. La production de normes et la manière dont la justice est dispensée sont donc profondément différents en raison de cette différence de fondement. Donc on a un rapport du droit qui est différent, un rapport au droit, pardon. Dans l'Union européenne et aux États-Unis, on a une place prépondérante de la loi, si on est dans le cadre d'un État faisant partie de ce qu'on appelle la tradition des droits romano-germaniques, ou du juge dans la tradition de common law. En Chine, malgré une vague moderne de renouveau, il n'y a pas une culture axée sur le droit. Elle ne se repose pas sur le droit pour assurer l'ordre social et la justice. Ça, c'est un héritage du confucianisme. Donc, les méthodes de persuasion, les techniques de médiation et de conciliation sont utilisées en priorité, et le recours aux juges et aux tribunaux arrive finalement en tout dernier recours. Le régime communiste chinois n'a pas vraiment rompu avec cette conception, et lors de son avènement, d'ailleurs, il a aboli en bloc toutes les lois, tous les décrets et tous les tribunaux existants. Puis, avec l'ouverture en 1979, il est apparu que pour moderniser l'économie et pour attirer les investisseurs étrangers, la sécurité juridique était vraiment indispensable. Donc, on a commencé à mettre en place un certain nombre de textes en droit chinois. Là, ici, il faut vraiment garder en tête quelque chose de fondamental, c'est que le droit chinois est axé sur le développement économique. Et ça, ça va avoir une importance fondamentale pour le droit de l'environnement. Et alors, justement, la deuxième spécificité, c'est une place différenciée de la réglementation environnementale selon les droits. Alors là aussi, on va distinguer les droits occidentaux du droit chinois. Dans les droits occidentaux, ces droits-là sont structurés par trois influences principales, la coutume, le droit canonique, le droit romain, et elles fondent en fait une approche utilitariste du droit de l'environnement, c'est-à-dire que pour un usage, on va avoir un régime juridique particulier. Là, ici, il y a juste une distinction qui peut être opérée entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, le droit américain est fondé sur les libertés individuelles. Ici, la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété font face à la protection de l'environnement. Et ça, ça va vraiment déterminer le corpus de règles et également la façon dont on met en œuvre ces règles. En droit chinois, alors là, ici, on appréhende l'environnement de façon très différente. Les théories de Confucius déterminent historiquement le rapport de l'homme à la nature. En fait, ici, l'objectif, c'est de former un équilibre entre les besoins de l'homme et la nature. On est censé, en fait, former un tout. Le tout est censé s'harmoniser et c'est encore appliqué aujourd'hui dans le cadre de cette balance entre la modernisation du pays et la protection de l'environnement. C'est intimement lié. L'un doit entraîner l'autre, finalement. Mais, bien évidemment, le développement économique reste tout de même prévalent. Donc, en fait, on a un point commun entre ces trois ordres juridiques, c'est que face à la protection de l'environnement, tout de même, le développement économique, et surtout depuis la crise financière de 2008, le développement économique reste quand même fondamentalement important. Par contre, en droit chinois, c'est quelque chose qui ressort de façon beaucoup plus importante en raison justement de leur spécificité politique et juridique. Donc c'est dans ce cadre que le droit chinois de l'environnement s'est développé dès les années 80, où on a une dizaine de lois qui ont été adoptées, et notamment la loi de 1989 sur la protection de l'environnement. Mais la législation chinoise en la matière est considérée comme particulièrement flexible. Elle est rédigée de manière assez vague, de manière assez souple, et ça permet de l'interpréter dans le sens des objectifs prévalents politiques du moment. Donc, du point de vue la substance du droit, je dirais, on a deux grandes spécificités qui sont vraiment liées aux traditions juridiques. On a une troisième spécificité qui va jouer sur l'articulation des normes, ce sont les règles de partage des compétences. Ici, on a des règles qui sont différentes selon les ordres juridiques. Alors, aux États-Unis, on a une clause générale de compétence des États fédérés. Et ce qui crée en matière environnementale, ce qu'on appelle un fédéralisme environnemental, c'est-à-dire que par principe et historiquement, cela relève de la compétence des États fédérés. L'État fédéral bénéficie d'un principe d'attribution. Il a des matières qui lui sont dédiées dans le 10e amendement de la Constitution. Et ces matières sont les relations interétatiques, la recherche, le soutien financier à certains programmes. C'est par ce biais-là que l'État fédéral va pouvoir intervenir en matière de protection de l'environnement. Mais c'est, dans le texte en tout cas, assez limité. Au niveau de l'Union européenne, on a une liste de compétences dédiées depuis l'adoption du traité de Lisbonne. La protection de l'environnement fait l'objet d'une compétence partagée et la régulation de l'exercice de ces compétences se fait par le principe de subsidiarité. En Chine, la Chine est considérée comme un État unitaire. On a une compétence générale de l'État central et l'article 96 de la Constitution précise que les assemblées populaires locales sont les organes locaux du pouvoir d'État. Donc on a un lien permanent entre l'État central et les différentes ramifications, les différents niveaux de pouvoir au niveau provincial, local, municipal. Alors, ces trois groupes de spécificités influent sur deux choses. Tout d'abord, le degré d'insertion des règles de droit international dans chaque ordre juridique, et également sur le développement des règles en matière de droit de l'environnement, et plus spécifiquement en matière de normes d'émission. Alors, pour l'articulation des normes d'émission, à proprement parler, à titre de propos introductifs, ça va être un véritable rappel. Les États-Unis ont signé, mais n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, ils ont ratifié l'accord de Paris, mais bien évidemment, avec le contexte politique actuel, on peut avoir un certain nombre d'incertitudes quant à sa mise en œuvre, incertitudes sérieuses. L'Union européenne a ratifié le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, et la Chine a ratifié le protocole de Kyoto, mais ne faisait pas partie des parties à l'annexe 1. Et se considère, alors là je le précise pour l'accord de Paris puisqu'il a été ratifié, la Chine se considère comme le chef de file des pays en voie de développement. Donc ici, pour la valeur obligatoire de certains principes, il y a une certaine forme de flexibilité, en tout cas soumis à interprétation. Alors, pour les règles fixant des standards d'émission, Monsieur le Président, il me reste... C'est fini. Non, 5 minutes. 5 minutes. Très bien. Alors, on a trois situations en fait très différentes. Aux États-Unis, comme je l'ai dit, en raison des règles de partage des compétences, la compétence, normalement, en principe, va aux États fédérés. Mais l'État fédéral va se saisir progressivement de la question, non sans réticence, à vrai dire. Au fur et à mesure, le fédéral va commencer par petites touches. Il va commencer par créer des programmes de recherche, puis un soutien à des programmes interétatiques. Ça correspond à ses compétences d'attribution. Et dans le cadre de ces programmes interétatiques, il y a un soutien fédéral financier qui est apporté aux États fédérés, mais aussi aux autres niveaux, au niveau local. La seule chose, c'est que à la fin des... au début des années 60, on s'est rendu compte que les États n'utilisaient absolument pas cette source de financement et continuaient à soit adopter une législation sur la pollution de l'air, soit ne pas en adopter du tout. C'est la raison pour laquelle l'ordre fédéral a adopté ce qu'on appelle le Clean Air Act. Tout d'abord en 1963, par petites touches, des financements fédéraux. Puis en 1967, on s'est rendu compte que ces financements fédéraux ne suffisaient pas. Et on applique des règles générales et contraignantes. Et à la suite d'un autre bilan à la fin des années 60, on se rend compte que les États fédérés n'avaient même pas transposé ces règles-là. Elles n'étaient même pas mises en œuvre. C'est la raison pour laquelle, en 1970, l'amendement au Clean Air Act établit des standards nationaux de qualité et des standards d'émission. Donc, ici, l'État fédéral se saisit progressivement de la question par l'intermédiaire de son agence de protection de l'environnement, l'EPA. Cette agence de protection de l'environnement s'est vue... La Cour suprême l'a un petit peu tapé sur les doigts en 2007. Puisqu'elle lui a rappelé que ça faisait partie de ses attributions de fixer des standards nationaux d'émissions qui étaient contraignants. Mais en février 2016, on a une sorte de retour en arrière, puisque la Cour suprême a suspendu l'application du plan Obama en faveur de la réduction des gaz à effet de serre émis par les centrales thermiques. Pour résumer, la compétence des États fédérés demeure, elle est censée prévaloir, et on le voit dans la multitude d'initiatives, et ça fait un écho à l'intervention de Géraud, multitude d'initiatives au niveau local. C'est-à-dire qu'on a la Regional Greenhouse Gas Initiative qui réunit 8 États, qui se sont engagés à poser des standards d'émission. Ensuite, le modèle californien s'est engagé, la Californie s'est engagée à remplir les objectifs du protocole de Kyoto avec quelques ajustements temporels notamment. Et au niveau municipal, on a une grande initiative qui a été lancée par le maire de Seattle qui réunit 944 villes américaines réparties sur 50 États qui ont décidé d'adhérer aux règles du protocole de Kyoto. Donc malgré les avancées au niveau fédéral aux États-Unis, c'est véritablement, je dirais, au niveau des États fédérés, au niveau local, que ça se joue. Ça pose un certain nombre de problèmes, une fragmentation et un problème de cohérence dans les initiatives, mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que ça se joue le plus. Au niveau de l'Union européenne, alors, je vais faire rapidement. On a une fragmentation du droit de l'Union européenne, puisqu'on a un socle en droit de l'environnement, basé sur la base juridique, la compétence de l'environnement, mais on a aussi un certain nombre de normes d'émission qui se retrouvent dans des textes qui relèvent d'autres domaines, d'autres compétences, et notamment l'agriculture. Donc l'Union européenne s'est pleinement saisie de cette question alors qu'il s'agit d'une compétence partagée. On a 166 textes européens en la matière avec un degré de précision technique qui est particulièrement avancé. Donc on a une tendance à la centralisation ici des compétences en faveur de l'Union européenne, notamment aussi parce que l'application du principe de subsidiarité par les juges est particulièrement lacunaire en matière de droit de l'environnement. Donc, ici, une centralisation des compétences. J'essaie de aller vite. En Chine, en matière de lutte contre la pollution de l'air, on a une loi majeure en droit chinois qui s'applique, c'est la loi de l'an 2000 sur la prévention et le contrôle de la pollution atmosphérique. Alors, en tout premier lieu, cette loi met l'accent sur la coordination des efforts au niveau national et les niveaux locaux. Mais, quand on lit précisément la loi, on se rend compte que les caractéristiques du droit chinois ressortent. L'article 7 dispose que des standards nationaux d'émission sont fixés par le département de protection de l'environnement, c'est-à-dire au niveau national, d'accord ? Et l'alinéa 2 de cet article 16 précise que les provinces, régions autonomes et municipalités fixent des standards nationaux qui peuvent être plus stricts. Là, on se dit, très bien, il y a un certain partage. Sauf que tout ceci est assorti de deux conditions. La première est une approbation systématique de tous les standards d'émission locaux par le Conseil national. La seconde condition qui apparaît dans la loi, c'est que ces standards doivent être fixés en accord avec les conditions économiques et technologiques du pays. Donc, on est sans arrêt dans ce conflit, finalement, avec le développement économique du pays. Et alors, une petite particularité que moi j'ai trouvée assez amusante, c'est que les standards nationaux qui sont fixés par le département national de protection de l'environnement, eh bien, ils se réfèrent expressément, ils ne donnent même pas les règles, en fait, ils renvoient directement aux règlements européens. Les règlements européens, notamment de 2007 et de 2008. Donc, ils appliquent, se réfèrent aux standards européens. Il me reste une minute. Très bien. Ça va devenir ma conclusion. J'avais choisi pour envisager la question de l'application des normes d'émission, de vous parler du Dieselgate, plus connu sous l'affaire Volkswagen. Et en comparant la réaction de chacun des trois ordres juridiques étudiés face à cette problématique-là. Ce qui ressort, de manière générale, c'est qu'aux États-Unis, on va avoir des actions à tous les niveaux, mais on va avoir une action très forte, action en justice, hein, je parle, très forte de la part des États fédérés. De même que des personnes privées. Ensuite, au niveau européen, alors là, on a aussi des initiatives, enfin, des actions privées et publiques au niveau étatique, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'Union européenne a annoncé l'ouverture de dossiers d'infraction à l'égard de 7 États membres, de dossiers pour un éventuel recours en manquement dans cette affaire. Donc ici, on voit bien la marque de la place que prend l'Union européenne dans ce dossier. En Chine, Volkswagen est le premier constructeur automobile étranger en Chine. Et 2000 véhicules ont été rappelés par le constructeur, mais d'un point de vue juridique, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et c'est là qu'on voit vraiment ressortir les particularités du droit chinois, c'est-à-dire que le problème se règle à la chinoise, si je peux me permettre, dans le sens où c'est la médiation, la conciliation qui prévalent et le recours au juge est le tout dernier recours. Alors je vous avais mis, je ne sais pas si on le voit bien, c'est la structure en fait de l'organisation chinoise d'un point de vue organique, rien que pour la protection de l'environnement. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que à tous les niveaux, on a des commissions environnementales qui peuvent saisir les juridictions. Mais c'est toujours en dernier recours, après médiation, conciliation, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, là où se résolvent les problèmes, ce n'est pas au sein des juridictions qui auraient été saisies par ces bureaux-là, ce sont les secrétariats locaux du parti qui sont présents à chaque niveau, même au niveau des arrondissements des villes, qui, eux, vont résoudre tous les conflits. Ils vont convaincre les récalcitrants de cesser la pollution, de remettre en état, de se conformer aux réglementations et de payer une compensation qui sera fixée au niveau national. Alors, je conclue. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la tradition juridique joue un rôle majeur dans l'insertion des normes de droit international, mais aussi dans le développement et l'application des normes d'émission au sein de chaque ordre juridique. Les spécificités de chaque système juridique vont influer sur l'approche adoptée, soit bottom-up, soit up-to-bottom, selon les cas étudiés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on a essayé d'appliquer la méthode chinoise, finalement, médiation, conciliation, et on n'a pas plus de retard à la fin qu'on en avait au début. Je vous remercie pour ça, finalement. Néanmoins, comme on avait du retard au début, on l'a toujours à la fin. Est-ce qu'on peut négocier via une médiation et sans recours au juge un quart d'heure de débat quand même avec la salle? On les a. Bon, de toute façon, on va prendre sur la pause. Moi, j'ai plein de questions, mais évidemment, mon rôle m'oblige à me taire et j'ouvre les questions. Alors, je ne sais pas si vous avez un micro ou s'il faut simplement parler fort, peut-être ça ira plus vite.